Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il y a pire dans la vie qu'abriter des cafards, héberger des punaises de lit. Si les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, les punaises de lit en constituent probablement les meilleurs ennemis et fidèles avec cela. Lorsque l'une d'entre elles est entrée dans votre vie, elle n'est pas prête d'en ressortir. Une mésaventure qui arrive à de plus en plus de foyers devenus des familles nombreuses suite à l'afflux de ces punaises. Et c'est donc le super fail de la semaine. C'est bon ! J'en ai foutu partout. Sur notre lit aussi ? Bien sûr. Ça aime l'intime, ces petites saloperies. Donc c'est bon, on peut retrouver l'appart ? Déshabillez-vous. Quoi ? Avant de rentrer, mettez vos habits dans le sac poubelle. On sait jamais où elles peuvent se cacher. Mettez les sacs dans le congélateur pour finir de tuer les punaises. Si vous en voyez encore une... écrasez-la bien. Oh. Alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que la punaise de lit ? Quelle est sa vie et son œuvre ? Jean-Michel Béranger nous éclaire sur cet animal. Il est entomologiste médical. Il exerce au centre hospitalier du Pays d'Aix. Et il est évidemment spécialiste des punaises de lit. Alors la punaise de lit, c'est un parasite de l'homme. L'homme n'a pas beaucoup de parasites, hein, puisqu'il y a l'époux, la gale et on peut dire la punaise des lits. Voilà. Donc on s'en tire bien, si je puis dire, on n'a pas trop de parasites. Donc c'est une petite punaise donc, qui est hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit de sang, qui porte bien son nom puisqu'elle vit donc avec nous dans nos lits ou nos lieux de repos. Hein, vous ne la trouverez pas dans votre jardin, elle est exclusivement avec nous. Effectivement, elle a fait un retour dans les années 2000. Elle a vraiment pris de l'importance dans le monde entier, surtout en zone nord, si je puis dire, USA, Canada, et puis l'Europe ensuite. Et donc, elle explose carrément, donc certainement liée à tout ce qui est tourisme, commerce international. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, la population humaine qui augmente sans arrêt, puisqu'on est leur hôte principal, ça l'arrange bien. Et la paupérisation aussi des populations qui fait que chacun essaye plus ou moins de se débrouiller par soi-même, et ce n'est pas toujours les bonnes solutions. Donc voilà. Et elle s'est vraiment répandue et elle continue, si je puis dire, à coloniser de plus en plus. La punaise de lit est-elle visible à l'œil nu ? Réponse Jean-Michel Béranger. Alors effectivement, on peut voir au début les traces parce que si vous avez 2-3 punaises dans votre lit bien cachées, c'est pas évident de les voir, de les trouver. Donc les premiers indices, ça va être les piqûres, ça va être éventuellement des petites taches noires autour de leur cachette. En fait, c'est les déjections qui sont en fait du sang digéré, ça fait un petit point noir. Et ça peut être des traces de sang aussi sur vos draps, parce qu'en bougeant dans votre lit, vous allez peut-être en écraser quelques-unes, comme ça. La punaise de lit, elle se voit, c'est la taille, on va dire, d'un pépin de pomme, c'est un petit peu la même couleur aussi, ça c'est pour les adultes. Par contre, c'est vrai que quand elle sort de l'œuf, l'œuf mesure 1 mm, elle est très petite, donc elle est quasiment transparente, et là, elle est plus difficile à voir. Les stades jeunes, si je puis dire, sont plus difficiles à voir. Mais lorsqu'on s'approche de l'adulte, ça mesure 5 mm, c'est marron, ça se voit bien. Yves, qui habite en appartement à Paris, est victime d'une invasion de punaises de lit. Il tente de s'en débarrasser depuis 2 mois. Il nous raconte comment il s'est retrouvé à cohabiter avec cet insecte. Alors, j'avais une histoire avec une jeune femme qui avait loué son appartement en Airbnb au mois d'août dernier, donc il y a plus d'un an. Et des voyageurs lui avaient laissé des punaises. Donc elle a fait un certain nombre de choses pour essayer de s'en débarrasser, visiblement sans succès, mais elle pensait que c'était fini. Donc elle est venue chez moi un soir. Et 2 ou 3 jours après, je ne dormais pas, mais il était tard, j'étais seul, et j'ai vu une bête que je ne connaissais pas entre les draps, quoi. Donc je me suis dit, tiens, finalement, elle n'en était pas débarrassée et elle a dû m'en apporter. Mais alors, quelle est la différence entre une punaise de lit et le pou qui est son cousin ? On écoute Jean-Michel Béranger. Alors, c'est un insecte. Ça fait partie de la famille, pour rester généraliste, des punaises. Donc, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Donc, il va nous injecter sa salive pour rendre notre sang anticoagulé et pour aspirer. Elle est surtout active la nuit, lorsque l'on dort ou lorsque l'on est en repos. Dès qu'elle sort de l'œuf, elle ressemble déjà à l'adulte et elle va déjà commencer à piquer. Que les poux, comme la gale dont j'ai parlé tout à l'heure, sont des arthropodes qui vont vivre sur nous. Les poux, ça va être dans les cheveux, dans nos vêtements ou au niveau du pubis pour ce qu'on appelle les morpions. La punaise de lit, elle va venir vers vous pour se nourrir. Elle va faire un repas de 3 à 10 minutes et puis elle va repartir se cacher. Elle ne reste pas sur nous. Voilà la différence, si je puis dire. Par contre, elle reste proche de nous. La punaise de lit ne saute pas, elle ne vole pas, donc elle se déplace vraiment avec nous et elle est au plus près de nous. La punaise est peureuse. Elle attend la nuit pour agir. Sur la peau de sa victime, elle cherche un vaisseau sanguin. Une fois trouvée, elle injecte un anesthésiant. Puis elle pique, sans douleur. Cela dure quelques minutes. Elle se gonfle peu à peu de sang. Une fois rassasiée, elle s'enfuit et se cache. Ni vu ni connu. Le crime parfait. Mais alors au fait, pourquoi les punaises de lit démangent-elles ? Explication par Jean-Michel Béranger. Alors ça, c'est très personne-dépendant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va vous injecter de la salive pour rendre votre sang anticoagulé. Et c'est cette salive qui va provoquer ces réactions. Et c'est très personne-dépendant parce que vous avez des personnes qui vont réagir énormément et d'autres pour lesquelles ça va passer quasiment inaperçu. C'est mon cas, moi, à force de me faire piquer, je me suis immunisé contre la salive et maintenant ça ne me fait plus rien. Par c'est peut-être une solution, ça. Si on adoptait chacun une punaise de lit, est-ce qu'on finirait par être immunisé? Soit vous immunisez, ça c'est le meilleur des cas, soit au contraire vous faites des réactions de pire en pire et ça devient catastrophique. C'est comme pour les abeilles ou les guêpes, c'est un petit peu le même type de réaction si vous voulez. Soit on s'immunise et tout va bien, soit on fait des réactions de pire en pire. Alors il y a bien sûr des exceptions et Yves fait visiblement partie des personnes qui ne sont pas particulièrement affectées par les piqûres des punaises de lit. Les piqûres, c'est presque quelque chose d'anecdotique. Ce qui est vraiment monstrueux, c'est l'idée que ces animaux soient là et qu'on ne les voit pas et qu'elles peuvent repartir avec quelqu'un qui viendrait. Moi, je peux les emmener chez les gens. Enfin, ça, c'est épouvantable. Problème démographique. Quand on a des punaises de lit dans son lit, accueille-t-on une famille, une tribu ou une civilisation tout entière ? Alors, ce qui se passe souvent, c'est que l'on va ramener. Il suffit de ramener une seule femelle chez vous fécondée et vous allez pouvoir commencer un petit élevage. C'est-à-dire qu'à partir d'une femelle que vous rentrez chez vous en janvier, au mois de juin, si vous ne faites rien, vous aurez plus de 30 000 punaises chez vous. Donc la femelle, si vous voulez, elle va pondre des œufs tous les jours, 2, 3, 4 œufs, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis après c'est exponentiel, et voilà. Souvent, les infestations, ça commence par quelques punaises, hein. On ne va pas ramener une valise pleine de punaises chez soi, mais quelques punaises qui vont passer inaperçues au début, si l'on ne réagit pas, ça va très vite se développer et devenir plus important. Donc l'intérêt, c'est de la connaître et de réagir rapidement. Mais alors, que peut-on faire lorsque l'on est envahi par ces petites bêtes ? Jean-Michel Béranger nous détaille le mode opératoire pour s'en débarrasser en début d'infestation. Au début, lorsqu'il y a très peu de punaises, effectivement, les trouver, ça va pas être évident, parce que comme je vous l'ai dit, un jour, elles sont cachées. Dans la moindre fente, elles peuvent se glisser, elles ont un corps très plat. Donc là, l'idéal, si on a vraiment une suspicion de punaise de lit, c'est de faire appel à des chiens détecteurs, donc des chiens renifleurs spécialisés en punaise de lit, qui vont vous dire exactement où elles sont et si vraiment c'est des punaises de lit. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres insectes qui peuvent nous piquer aussi dans une maison. Donc une fois qu'on a identifié l'endroit où elles sont, on peut traiter en début d'infestation, en tout cas très simplement. On peut s'en sortir très bien au début. Alors nous, ce qu'on fait en début d'infestation, on passe l'aspirateur. L'aspirateur, ça va permettre d'éliminer tout ce qui n'est pas fixé, si je puis dire. Et puis ensuite, on utilise un nettoie-vapeur. Donc vous allez avoir de la vapeur à 100 degrés. Vous la passez partout sur votre lit, sur votre structure de lit. Et là, vous allez carrément les griller, y compris les œufs qui, eux, sont collés au support et qui ne seront pas partis vers l'aspirateur. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Aspiration, nettoie vapeur. Et une fois que tout est sec, ce que je fais aussi, c'est un film de terre de diatomée en aérosol. C'est de la terre diatomée, c'est de la silice. Donc, ça provoque des hémorragies chez la punaise de lit. Ça n'a pas un effet choc. Mais si vous en avez oublié, lorsqu'elles vont circuler sur cette poudre, si je puis dire, elles vont s'en mettre sur les pattes et ça va les tuer au bout de 3-4 jours. Yves est désormais familier avec toutes ces techniques. Il a fait appel à un chien renifleur au début de l'infestation. Écoutez-le. C'est des chiens qui ont un odorat assez développé et qui sont entraînés à trouver des punaises, comme d'autres la drogue. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il faut les laisser seuls dans les pièces où ils sont, pour pas déconcentrer le chien, sans doute. Mais visiblement, quand il trouve des punaises, le chien s'assoit devant l'endroit où il les sent. Donc j'ai vu ça, effectivement, dans la chambre de mon fils. Le chien a reniflé le lit et s'est assis. En fait, j'avais été appelé par le maître chien qui voulait montrer qu'il y en avait à cet endroit-là. Une fois les punaises de lit identifiées par le chien, Yves s'est lancé dans une entreprise d'extermination en utilisant d'abord des pesticides. Comme j'étais pas complètement sûr, j'ai fait venir un chien qui a reniflé tout mon appartement et qui a effectivement localisé des punaises dans mon lit. Donc un traitement chimique dans ma chambre avec fumigène et vaporisation, et dans les pièces adjacentes, vaporisation. 15 jours plus tard, deuxième traitement, parce qu'il faut un minimum de 15 jours entre les deux tours, de façon à ce que les œufs qui ont pu éclore et donner naissance à de charmantes bêtes, il faut s'en débarrasser et que ça prend du temps. Donc je fais revenir le chien pour m'assurer qu'il n'y en a plus, et effectivement dans ma chambre, dans mon lit, il n'y en a plus. Sauf qu'elles avaient émigré dans la chambre de mon fils. Donc, rebelote. Comme il y a beaucoup de livres dans ces deux pièces, tous ces livres où elles peuvent se réfugier, ainsi que les vêtements, sont partis au congélateur, parce que je ne pouvais pas tout laver à 60 degrés, et certainement pas les livres. Voilà, maintenant, il y a eu un deuxième traitement chimique qui a été fait, les deux tours, et j'attends le retour du chien dans 15 jours à peu près. Mais alors, pourquoi l'usage de pesticides n'est-il plus efficace ? Sont-elles devenues résistantes ? À force d'utiliser les insecticides, on les a rendues résistantes, surtout à les molécules qui sont les pyréthrénoïdes, c'est-à-dire tout ce que vous avez trouvé, vous, lorsque vous allez à le supermarché. Les bombes insecticides que vous allez acheter sont toutes à 90% à base de cette molécule. Quand vous rentrez chez quelqu'un qui a déjà utilisé des dizaines de bombes sur sa population de punaises vives, vous pouvez être sûr qu'elle est résistante à cette molécule. Et donc vous avez des punaises, notamment aux USA, où là-bas les insecticides sont très très très utilisés, des populations qui résistent à quasiment tous les insecticides. C'est pour ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aspirateur et le nettoie à vapeur sont des moyens de lutte mécaniques qui, eux, ne génèrent pas de résistance et que vous allez pouvoir reproduire tant que vous voulez et qui n'ont aucune toxicité dans votre maison. Actuellement, vous trouvez dans la littérature, il y a toujours quelqu'un qui a trouvé une population de punaises résistante à tous les insecticides quasiment qui existent. Alors les Américains se sont amusés à faire des mélanges d'insecticides, mais même là, vous avez des punaises qui ont les clés, si je puis dire, de la résistance pour tous ces insecticides. Donc plus ça va aller, plus on va fabriquer des populations de plus en plus solides, fortes. Et c'est pour ça que la mode, entre guillemets, si je puis dire, et beaucoup de sociétés maintenant se tournent vers ça, vers ce que je vous disais, la lutte mécanique, donc avec l'aspiration, la chaleur, y compris des sociétés qui se spécialisent dans le chauffage carrément d'un appartement. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont faire monter votre appartement à presque 60 degrés. Alors, en quoi consiste cette méthode de chauffage ? Surtout, n'essayez pas de la faire. Jean-Michel Béranger nous explique cette méthode. Donc on peut chauffer carrément un appartement à quasiment 60 degrés en utilisant donc des chauffages que l'on va répartir dans toutes les pièces, des ventilateurs pour bien répartir la chaleur, on met des sondes à différents endroits et donc tout ce qui est à l'intérieur va mourir. On peut utiliser aussi des tentes chauffantes, donc c'est des tentes de gros volume avec un chauffage également dans laquelle on va pouvoir mettre un canapé, un lit, des vêtements, des livres. Et là, pareil, on va faire un cycle de chauffage à 60 degrés. Et voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez récupérer vos affaires. Elles sont indemnes de punaises de lit. Yves n'a pas encore essayé de chauffer son appartement, mais comme on dit, toutes les options sont sur la table pour se débarrasser de ce parasite. Il y a d'autres trucs que j'ai pas du tout essayé, comme par exemple mettre des pièges au pied du lit. C'est-à-dire c'est des espèces de coupelles dans lesquelles on pose les pieds du lit et elles essayent de grimper et là, manque de peau, elles se retrouvent engluées. Et ça, j'ai pas encore essayé. On verra si je dois un jour ou pas. Je ne le souhaite pas. Tout le monde a ou aura des punaises de lit, c'est un constat pessimiste, mais j'ai peur qu'il soit proche de la réalité. Peut-être qu'une bonne manière de repousser les punaises de lit, c'est de ne pas avoir de lit, mais cela a d'autres inconvénients. Superfell a été gâché par Juliette Devoy à la production et piétiné à la réalisation par Vivien Demeyer, Thomas Jost et Félicie Faugère.